Les maisons de repos pour les vétérans de guerre sont construites dans les provinces du Yangon et du Hamgyong du Sud. Les maisons de repos sont dotées de toutes les conditions nécessaires au traitement médical et à la vie culturelle esthétique des vétérans, comme les salles de traitement, de gymnastique et de loisirs. Les services d'inauguration ont eu lieu en présence des cadres intéressés, des vétérans de guerre, des constructeurs, du personnel des maisons de repos et d'autres habitants.